One Qibla présente Comprendre le Coran. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falam tajida lahu waliyan murshida. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Frères et sœurs en islam, bienvenue donc à une nouvelle série sur le tafsir et cette fois-ci aujourd'hui, inshallah, on parle du tafsir de Sourate An-Najm, aussi traduite comme la Sourate L'Étoile, Sourate An-Najm, ça c'est la Sourate numéro 53 selon le classement du Mus'haf. Donc rappelons encore une fois que les Sourates qui sont dans le Mus'haf, la façon de laquelle elles sont classées, ce n'est pas nécessairement un classement chronologique, c'est pas nécessairement selon cet ordre-là que ces sourates ont été révélées au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Selon plusieurs savants, ce classement des sourates, c'est aussi une révélation d'Allah Ta'ala, ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait peut-être laissé à ses compagnons des indices sur quelle sourate mettre avant quelle sourate dans le mushaf. Ou selon une autre opinion des ulama, que ça c'était un ijtihad, c'était un choix au fait fait par les sahaba, par les compagnons, lorsqu'ils ont fait la compilation du Coran, le mushaf, pour nous amener le mushaf comme on connaît aujourd'hui, lors du temps par exemple de Abu Bakr, après ça de Uthman, radiyallahu anhuma, que ça c'était leur ijtihad de mettre telle surah avant telle autre surah, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas nécessairement un classement chronologique, dans le sens où c'est pas nécessaire de commencer à étudier la première surah, après ça la deuxième surah, après ça la troisième surah, et ainsi de suite. Ce qui importe plus, c'est de connaître quand est-ce que la sourate a été révélée. La sourate An-Najm, c'est une sourate qui est mekkoise, qui pourrait nous rappeler qu'est-ce qu'on veut dire par une sourate mekkoise. Qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'une sourate, elle est mekkoise? Oui. Donc, ça a été révélé avant la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé, après bien sûr avoir reçu la révélation à l'âge de 40 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé 13 ans à Mecca. Après ça, il a fait la hijra, il s'est déplacé vers la Médine et il a passé 10 ans, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans la Médine et il est mort à l'âge de 63 ans, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté ce monde. Donc, en tout, on a 23 années que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé en tant que prophète, en tant que messager d'Allah ta'ala sur cette terre. Bien sûr, la hijra, elle marque un point très important, comme on l'a déjà couvert dans les cours de la Sira, parce que c'était une transformation, un grand changement de l'environnement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'entourait. De ce fait, ça a changé les priorités du message, pas le message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui décidait, c'était pas lui qui décidait du message, c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah ta'ala, ce qu'il a révélé dans le Coran, mais quoi? C'était un message qui était centré sur certaines choses dans le Coran médinois, sur certaines autres choses. C'est pas complètement deux choses, non, non, non. L'essentiel du message mekkois était encore présent dans le message médinois. Mais le message médinois, il y avait plus d'emphase sur les détails de la législation, par exemple. Dans le message médinois, ça parlait beaucoup des hypocrites, des munafiqines. Parce que dans Mecca, il n'y avait pas vraiment de munafiqin avant la hijra. Avant la hijra, les musulmans étaient opprimés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait que de l'adversité de son peuple, de Quraysh, à part les musulmans, ceux qui ont accepté l'islam. Mais les autres Quraysh, le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montrait de l'adversité envers lui, alayhi salatu wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait face à un peuple qui était sur le shirk, sur le polythéisme, qui avait une certaine culture religieuse avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ces gens-là étaient attachés à leur culture, à leur rituel. Ils ne voulaient pas changer ça. Ils ont montré beaucoup de résistance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait la hijra à la Médine, là c'est différent. Là, il y a beaucoup de musulmans, il y a les Ansar, les fameux Ansar, et compagnons de la Médine qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont ouvert leurs bras à lui alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, ils sont complètement engagés dans l'islam. Ils veulent savoir qu'est-ce que Allah Ta'ala il veut de nous, quoi faire, quoi ne pas faire. Nous, on veut pratiquer, on veut accepter. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas beaucoup d'adversité autour de lui. Ce qu'il a, c'est quoi? C'est des compagnons, des supporters, des ansar, des vrais croyants qui l'entourent, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, en termes encore une fois de chronologie, il y a le message mécois qui vient pour établir les fondements de l'islam. Le message médinois, il vient pour nous donner les détails. Ça ne veut pas dire que... Barakallahu fik. Ça ne veut pas dire que dans le message médinois, les fondements ne sont plus présents. Dans le message médinois, les fondements sont encore présents. Même dans le message médinois, ici après la hijra, on trouve que ça parle de la aqida, de la croyance, du tawhid d'Allah Ta'ala et ainsi de suite. Mais encore une fois, ce n'est pas la chose centrale. C'est clair? Donc, surat An-Najm, c'est une surah qui est mécoise. De ce fait, vous vous attendez à quel thème dans surat An-Najm? Si vous ne connaissiez pas peut-être surat An-Najm en détail, vous attendez à apprendre quel type de thème? Ça va parler de quoi? Ça va parler le paradis, l'enfer, très bien. Qu'est-ce que ça va traiter aussi? De quoi exactement surat An-Najm? La croyance, rappelez-vous toujours, le point central c'est quoi? C'est la croyance, le monothéisme d'Allah Ta'ala. La question de la révélation, de parler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il est qui exactement alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Il amène quoi alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Il parle de quoi? Pourquoi il parle? Il invite à quoi? C'est de ça que le Coran, mais quoi il parlait? Parce que les polythéistes, qu'est-ce qu'ils disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Toi, tu n'es pas un prophète, tu es un menteur, tu es quelqu'un de possédé par le djinn, tu es un magicien, un sorcier. Il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam que non, il n'y a pas un seul dieu véridique, il y a plusieurs divinités qui sont importantes, on doit toutes les respecter, toutes ces divinités-là. Il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu penses qu'après la mort, il va avoir une deuxième vie? Impossible, nous on va être réduit en poussière, il y a cette vie et c'est fini après cela. Et ainsi de suite. Donc c'est de ces thèmes-là que le Coran, mais quoi, il parlait beaucoup, incluant surat An-Najm. Donc, si on commence, incha'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit ici dans cette encyclopédie Mawsu'at al-Tafsir? Je ne vais pas toujours dire les références dans le sens où quel savant a dit quoi, parce qu'il y a juste trop de références, il y a juste trop de paroles de savants. Okay? Mais tout ce qui est présenté ici, comme j'ai dit, c'est basé sur Mawsu'at al-Tafsir, encyclopédie de al-Tafsir de Durar al-Saliyah, et c'est hautement référencé. Toutes les références sont là. Pour les personnes qui connaissent l'arabe, vous pouvez faire vos propres recherches. Pour les personnes qui sont intéressées, si on va mentionner quelque chose, ça les intéresse trop, ça les inspire beaucoup, ou vous trouvez que ça, c'est j'ai besoin de plus de vérification, je veux vraiment m'assurer qu'il y a des savants qui ont dit ça, vous me demandez, je vais vous ramener exactement la référence qui a dit quel savant dans quelle page et ainsi de suite. Asma'u surati, les noms de cette sourate. Summiyat bi surati An-Najm. Cette sourate-là, elle s'appelle sourate An-Najm, l'étoile, li'anna ذُكِرَ فِيهَا النَّجْمِ. Parce que dans cette surah, il y a l'étoile qui est citée. Allah Ta'ala nous parle de l'étoile dans la première ayah. On va voir tout à l'heure, inshallah Ta'ala, c'est quelle étoile, ou bien ça parle de quelle étoile exactement. Allah Ta'ala aussi, vu qu'il commence cette surah par وَالنَّجْمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, il y a certains savants aussi qui appellent cette surah la surah وَالنَّجْمِ. Donc c'est soit la surah l'étoile, parce qu'elle ça commence avec ça commence par mentionner l'étoile, ou c'est la sourate de Wan-Najmi. Très souvent, les savants, ils appellent certaines sourates par le début de la sourate, les premiers mots dans la sourate. Alif Lam Mim Tanzilu, par exemple. Ok? Donc, ça c'est une approche pour appeler la sourate en tant que telle. C'est pour ça que dans Al-Bukhari, ou bien plutôt dans Sahih al-Bukhari, ça nous dit que anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qara'a wan-najmi idha hawa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a récité wan-najmi idha hawa. Donc ça fait référence à la sourate par ses premiers ses premiers mots et par son début en tant que tel. Dans le hadith authentique aussi rapporté par l'imam al-Bukhari, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, c'est qui Abdullah ibn Abbas, vu qu'on parle de tafsir, qui est Abdullah ibn Abbas? Abdullah ibn Abbas. Que connaissez-vous sur cet homme, Abdullah ibn Abbas? Personne n'a quelque chose à dire à propos de Abdullah ibn Abbas? Quel est son titre, lui? Il est quoi exactement? Ok, donc ça, c'est des choses à écrire, ok? Extrêmement, extrêmement important. Donc, Abdullah ibn Abbas, ça, c'est le... C'est un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de un. De deux, ce n'est pas n'importe quel compagnon, parce que c'est le cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbas, le fils de Abbas. Abbas, c'est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Abbas, ok? Donc, Al-Abbas, c'est l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son oncle paternel. Son fils, c'est Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, il fait partie des jeunes compagnons. Ça veut dire, il a côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque lui, Abdullah ibn Abbas, était jeune. Il était un enfant. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et vu, bien sûr, qu'il s'agit ici du cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de un. Et de deux, il était très jeune. À un certain moment donné, il n'était pas encore, il n'est même pas encore baligh. Il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. De ce fait, ce Abdullah ibn Abbas, il rentrait très souvent dans la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Passait beaucoup de temps dans le foyer du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Il pouvait venir et passer la nuit dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la famille et en même temps, il était quoi? Jeune à un certain moment donné de sa vie. Donc il n'y a pas la question ici de Al-Mahram, il peut rentrer même lorsqu'il a les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ainsi de suite. Ça c'est avant Al-Bulour. De ce fait, qu'est-ce qu'il va avoir ce Abdullah ibn Abbas? Il va se distinguer par quoi? Par la connaissance, il connaît très bien le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un accès très intime à la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, Abdullah ibn Abbas, il est devenu parmi les savants de As-Sahaba, parmi les ulama, les savants, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait partie des savants. Ça, c'est de un. De deux, Abdullah ibn Abbas, vu qu'il faisait partie des jeunes compagnons, c'est normal qu'il a vécu plus longtemps que certains autres grand compagnon. Il a vécu beaucoup plus longtemps que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu par exemple. Et de ce fait, Abdullah ibn Abbas, lui, il a eu un grand impact dans l'enseignement de l'islam à la prochaine génération, la génération des tabi'in. Ça veut dire les compagnons des compagnons. Est-ce que vous comprenez l'idée un peu? Et de trois, ce qui est probablement la chose la plus intéressante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il lui a fait dua à lui spécifiquement. Il a dit « Allahumma faqihhu fi d-din wa 'allimhu at-ta'wil. » Oh Allah, accorde-lui al-fiqh, la compréhension de ad-din, de la religion. « Wa 'allimhu » et donne-lui la connaissance de at-ta'wil. At-ta'wil, le mot ici « ta'wil », un autre mot important à connaître, vu qu'on parle de l'exégèse du Coran. Ta'wil. Si quelqu'un, Inch'Allah, si l'un des frères peut juste écrire ces mots de côté, Inch'Allah, les garder de côté, comme ça on ne va pas les oublier. Et après, Inch'Allah, je vais préparer un document avec tous ces mots-clés qu'on est en train de couvrir, Inch'Allah, comme ça, ça va vous être utile, Inch'Allah. Donc, c'est quoi le ta'wil? Le ta'wil, dans l'un de ses sens, eh bien, ça égale le tafsir, exégèse du Coran. Tafsir. Donc, le ta'wil ici, c'est de comprendre le Coran. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua à ce jeune compagnon pour que Allah ta'ala lui donne la connaissance des sens du Coran, la compréhension du Coran. Et c'est pour cela que Abdullah ibn Abbas, c'est parmi les top, les grands savants du tafsir. À chaque fois que vous allez ouvrir un livre d'exégèse, ça va être bondé du mot Abdullah ibn Abbas, il a dit. Abdullah ibn Abbas, il a dit Abdullah ibn Abbas, parce que c'est parmi les savants clés quand on parle du tafsir de Al-Qur'an. Donc, il dit Abdullah ibn Abbas. أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون الجن والإنس. Le prophète صلى الله عليه وسلم un jour il a fait le sujoud, la prosternation par sourate al-Najm. Vous allez voir à la fin, vous l'avez probablement constaté si vous avez déjà ouvert le mushaf avant de venir ici au cours aujourd'hui. Mais vous savez que dans sourate al-Najm, à la fin, la toute dernière ayah, ça se termine par une prosternation, une sajda. Il y a une sajda dans sourate al-Najm. Donc un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité sourate al-Najm et quand il est arrivé à cette ayah, il a fait la prosternation. Sajda alayhi salatu wa sallam, wa sajda ma'ahu. Qui a fait la prosternation avec lui? Les musulmans qui étaient présents et même les mushrikines, les polythéistes qui étaient présents, ils ont fait sujoud à Allah Ta'ala. Et aussi les djinns qui étaient présents, ils ont fait prosternation à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité cette ayah de surat Najm. Et la narration ici elle est dans Sahih al-Bukhari, c'est une narration qui est hautement authentique. Et dans l'autre narration ça dit aussi fasajada wa ma baqiya ahadun min al-qawm illa sajad, toute personne qui était présente a fait le sujoud. Cette journée-là, il y a même des gens qui ont pensé, on va le voir là, ayah tout à l'heure à la fin inchallah, pas tout à l'heure aujourd'hui mais la prochaine fois à la fin de la sourate inchallah, jusqu'au point que certains des musulmans qui avaient fait la hijra, ils avaient fui Mecca. Alaykoum salam wa rahmatoullah. Ils avaient fui Mecca à cause de la persécution, certains parmi eux ont fait l'erreur de revenir vers Mecca. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une rumeur qui a circulé et qui a dit que fini, Quraysh, ils ont accepté l'islam, ils sont tous devenus musulmans. Pourquoi? Parce que quelqu'un les a vus, ces mouchriquins, faire la prosternation avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un seul moment, la personne a été leurrée, a dit « Ah, Quraysh, ils ont accepté l'islam ». Et là, c'est devenu une rumeur par la suite. Abdullah ibn Abbas ou Abdullah ibn Mas'ud, maintenant, un autre compagnon bien sûr, à connaître. Un jour, Inch'Allah, on va devoir faire une série sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très brève, comme ça, les compagnons clés qu'on doit connaître essentiellement. Donc, Abdullah ibn Mas'ud. Donc ça c'est un autre grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi plus âgé qu'Abdullah ibn Abbas, certainement, et aussi parmi les savants des compagnons, les savants de As-Sahaba, et lui aussi était entre autres spécialisé dans Al-Qur'an Karim, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'il dit Abdullah ibn Mas'ud? Awwal suratin unzilat fiha sajda wan-najm. La première sourate que Allah ta'ala il a révélée, dans laquelle il y a une sajda, une prosternation, une ayah de prosternation, c'est sourate Al-Najm, c'est cette sourate-là. Ok? Encore une fois, ici en termes chronologiques. Donc, on passe à la première ayah, on commence avec le premier verset, Inch'Allah. Mais s'il vous plaît, si vous avez des questions, si je dis des choses, vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'arrêter. Ok? C'est pas tout le monde qui est au même niveau, je peux pas connaître le niveau de tout le monde, je peux pas imaginer. C'est quoi la chose que vous connaissez, que peut-être je vais dire, si je vais aller trop en détail, ils vont trouver que c'est ennuyant, on la connaît déjà. Ou peut-être il y a des choses que je prends pour acquis que vous ne connaissez pas, alors qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas. Donc n'hésitez pas, Inch'Allah ou Ta'ala, à m'arrêter, Inch'Allah. Allah Ta'ala, il dit dans cette première ayah de surat An-Najm, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. Donc Allah Subhanahu wa Ta'ala, ici, il fait un qasam. C'est quoi un qasam? Un qasam, c'est un serment. Comme lorsqu'on dit « Wallah » par Allah. On est tous habitués à jurer par Allah. On va faire un serment. « Wallahi ». En arabe, quand on fait un serment, c'est quoi « Wallahi » ? Qu'est-ce qu'on a dans « Wallahi » ici? On connaît tous « Wallahi ». Tout le monde dit « Wallah, Wallah ». Donc, « Wallahi », c'est quoi exactement? C'est composé de quel mot exactement? En arabe. Quels sont les mots ici qu'on trouve? Très facile. Wa Allah. Donc on a le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et avant le nom d'Allah azza wa jal, on a harf waw, la lettre waw. Donc le harf, la lettre waw, c'est min huruf al-qasam. C'est parmi les lettres de serment par lesquelles on jure. Il y a le waw, il y a aussi le ba et le ta. On peut dire Billah. On peut dire aussi quoi? Tallah. Donc ça c'est huruf al-qasam, c'est des lettres de serment dans la langue arabe. Bien sûr le plus commun c'est le waw. Wa Allah. Nous en tant que créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que serviteur d'Allah azza wa jall, on a le droit de jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a strictement défendu de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit de jurer par la Kaaba, par la Mecque, par la mosquée, par la tête de ta mère, comme ils font dans certaines cultures arabes. Tu n'as pas le droit de faire ça. On a le droit de jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le sens de jurer, le serment ici, l'idée du serment c'est quoi? C'est le ta'zim, la vénération. Ça veut dire tellement je vénère cet être qui est Allah subhanahu wa ta'ala que si je suis prêt pour mettre au clair que je suis sérieux, je suis prêt à utiliser le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala par le nom d'Allah azza wa jal pour te prouver que je suis sincère. C'est clair? C'est comme devant le juge en islam. Comment ça fonctionne devant le juge en islam? Si on va t'accuser de quelque chose, à tort, toi, on va t'accuser de quelque chose. Et le juge, il va t'amener. Et il n'y a pas de preuve contre toi. Qu'est-ce qu'on fait? Afwan? Un serment. Donc, en islam, on a al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. C'est ça le principe en islam. C'est que al-bayyinah, la preuve, le fardeau de la preuve est sur celui qui t'accuse. Si quelqu'un t'accuse de quelque chose. Si moi, je viens pour dire, je lui ai prêté 100 000 dollars cash et maintenant il ne veut pas me rembourser, me redonner mon argent. Alors, est-ce que je peux juste prétendre une telle chose devant le juge? Non, il va me dire, c'est quoi? Où est ta preuve? Aïna al-bayina. Bayina. Moi, j'ai dit, j'ai pas la preuve. J'avais un papier, j'avais des témoins, ils sont morts. J'avais le papier, il est perdu. J'ai pas de preuve. Alors là, le juge, il peut pas le forcer à me donner 100 000 dollars. Mais là, le juge, il va lui demander quoi? Un yamin seulement, de jurer. Il va jurer. Si c'est le serment, il va jurer par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'a jamais pris 100 000 dollars de mon argent. Donc, l'idée ici de quoi? L'idée ici de l'qasam, c'est que si lui, il va jurer, il est en train de dire, de démontrer, il est prêt à, par le nom d'Allah Ta'ala, pour nous montrer qu'il est sincère. Parce que déjà ça, en tant que tel, c'est décourageant pour plusieurs personnes qui peut-être pourraient être à tort, mais s'ils craignent Allah Subhanahu wa Ta'ala, il va dire, ah, jurer par le nom d'Allah, ça c'est grave, je ne vais pas faire ça. Il va revenir en arrière, c'est clair? Donc, on n'a pas le droit de jurer que par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'un de ses noms en général. Tu peux dire « Wal-Rahman »,« Wal-Qawi »,« Wal-Aziz »,« Wal-Jabbar »,« Wal-Ghafour », »,« Wal-Rahim ». Tout ça, on peut jurer. Tout ça, c'est des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah azza wa jalla, lui, c'est le créateur subhanahu wa ta'ala. Il jure par ce qu'il veut. « Yuqsimu bima sha'a min makhluqatihi » subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque Allah Azza wa Jal, il jure par quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu an dhalik, Allah Azza wa Jal, il ne vénère rien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il jure par quelque chose, c'est pour nous démontrer, pour nous rappeler l'importance de cette chose. Allah ta'ala, il a juré par certaines de ses créatures qui sont vraiment miraculeuses, qui sont immenses. Allah ta'ala, il a juré par le soleil. « Wa shamsi » la lune, le soleil et la lune. Dans l'autre surah, Allah Ta'ala, il a juré par Al-Asr, Wal-Asr. Al-Asr ici, selon l'un des tafsirs, c'est le temps. Est-ce que le temps, c'est quelque chose de grand, de sérieux? Oui, le temps, ça nous contrôle, ça nous emporte, on est contrôlé par le temps. Le temps nous pousse, imaginez, le temps, c'est quelque chose qui nous pousse dans la vie, toujours. Ça nous pousse vers... On n'a pas de contrôle. On est pleinement contrôlé par ce temps que Allah Ta'ala, il a créé. C'est quelque chose de grand, quelque chose de puissant. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il jure par cela. Ici, dans cette sourate, Allah Ta'ala, il jure par l'étoile. Wa an-najmi. An-najm, alif, wal-lam. Il y a le et il y a son le. On peut dire porte, une porte. Babun. Mais dans la langue arabe, si on ajoute al, alif, lam, on appelle ça quoi? Ma'rifa. Al, bab, c'est la porte. Différence entre une porte et entre la porte. Est-ce que tu as vu les clés, la clé? Tu parles de quelle clé? Là, on parle de quelque chose de particulier, spécifique. Mais si je te dis, est-ce que tu as vu une clé? Une clé, n'importe laquelle. Miftahun al-miftah. Al, c'est la clé. Ici, Allah Ta'ala, il jure par le najm, l'étoile, al-najm. Wal-najmi, idha, ça décrit ici un état, un temps, situation particulière. Idha hawa. Hawa, c'est, comme il traduit ça dans la traduction du Coran, on va y aller simple avant d'aller dans plus de détails, inshallah. Hawa, c'est lorsqu'il va descendre, le déclin, en quelque sorte. Donc, dans la langue arabe, ici, ils disent hawa, le mot hawa, rappelez-vous bien de ce mot-là, parce que, subhanallah, encore une fois, c'est le miracle du Coran. Vous allez voir à quel point, subhanallah, le plus, regardez, le Coran Karim, on a beau lire, j'ai beau préparer pour vous, aller dans lire dans des encyclopédies, ainsi de suite, on va toujours être plus ignorant que connaisseur de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفِدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. La parole d'Allah ta'ala, elle est illimitée. Les miracles qui sont dans le Coran, ils dépassent notre capacité à les connaître tous. Vous allez voir, toujours, il y a comme ça des secrets. Dans chaque surah, il y a des secrets qu'on va... Alors, entre autres, si on va juste écrire comme ça, Hawa. Donc, on va écrire ça, H-A-W-A. On peut ajouter un autre A pour faire l'extension. Hawa. Cette forme-là de Hawa, comment ça sonne, ça va revenir plus tard, inshallah ta'ala, dans la surah. Mais avec un autre sens, dans un autre contexte. Ici, hawa, c'est un verbe, c'est une action, hawa. Alors, hawa ay saqata. Le verbe hawa, ça veut dire tomber. Descendre de la hauteur vers ce qui est plus bas. Min ulwin ila souflin. Donc, Allah Ta'ala, yuqsimu bin najmi idha saqat. Allah Ta'ala, il jure par l'étoile. Lorsqu'elle tombe, lorsqu'elle va du haut vers le bas. C'est une descente comme ça, une chute de cette étoile. Alors, ça parle de quelle étoile exactement? Il y a quelques opinions des savants ici de At-Tafsir. Première opinion, adoptée par l'imam Ibn Jarir al-Tabari et certains des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, c'est que ça parle d'une étoile bien particulière qui s'appelle Al-Thuriyya. Une étoile... De toutes les étoiles qui sont dans le ciel, il y a une étoile que les Arabes, ils appelaient Al-Thuriyya. Je ne sais pas c'est laquelle, pour être honnête avec vous, en français, comment ça s'appelle. Je peux faire des recherches tout à l'heure, Inch'Allah, si quelqu'un veut faire des recherches. Mais c'est une étoile importante, ok, auquel les gens se référaient et tout. Et les Arabes lui donnaient beaucoup d'importance. Allah Ta'ala, il dit, par An-Najm, selon plusieurs savants, ça parle d'une étoile bien particulière qui est cette étoile-là de Al-Thuriyya. La deuxième opinion, وَالنَّجْمِ الْقَسَمْ بِالنُّجُومِ الَّتِي تُرْمَى بِهَا الشَّيَاطِينَ الَّذِينَ يَسْتَرِقُونَ السَّمَاءَ. Donc là, quelque chose de très très intéressant ici. Que veut dire shaytan? Qui pourrait nous expliquer c'est quoi shaytan? Oui. Un djinn mécréant, très bien, donc ça c'est une partie de la réponse. Donc, shaytan, il y a des shaytans qui sont des êtres humains, qui sont shayatin al-djinn, shayatin al-ins. Il y a des êtres humains qui sont des shaytans, c'est ce que Allah Ta'ala il dit dans le Coran Karim. Et il y a des djinns qui sont des shaytans. Donc, en général, lorsqu'on parle de shaytan, on pense aux djinns qui sont, qu'on ne peut pas voir. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des êtres humains qui sont des shaytans, ça c'est dans le Coran. Ça c'est le Coran qui a dit shayatin al-djinn wa al-ins. Donc, les djinns que Allah Ta'ala il a créés à partir de feu, ils ne sont pas tous des mécréants. Certains parmi eux sont des musulmans, d'autres sont des mécréants, comme c'est décrit dans la sourate Al-Djinn, qui parle de Al-Djinn. Les shaytans qui sont de Al-Djinn, parmi les choses qu'ils font, c'est qu'ils aiment espionner, connaître qu'est-ce qui va se passer. Essayer de savoir, lui, qu'est-ce qu'il cache, lui, qu'est-ce qu'il planifie, lui, qu'est-ce qu'il va lui arriver demain, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils font de ces informations-là? Oui. Très bien, donc ça c'est la façon de laquelle ils veulent obtenir l'information, c'est en essayant d'espionner le ciel. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué dans le hadith authentique que lorsque Allah Ta'ala, il révèle quelque chose aux anges, les anges, ils reçoivent toujours des révélations, pas des révélations ici dans le sens de le Coran. Des révélations, ça veut dire des ordres, quoi faire. Il y a des anges que Allah Ta'ala, il a créé subhanahu wa ta'ala pour différentes fonctions dans ce monde jusqu'au point qu'il y a un ange comme on le connaît Malakul Maut qui est là pour prendre nos âmes à la mort. Lui Allah Ta'ala lui donne, il lui révèle que c'est le moment pour que tel il meure, tel il va mourir aujourd'hui, tel va mourir demain. Tout ça c'est par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une chaîne ici d'ordre qui descend, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala vers les malaïka qui descend jusqu'à ce bas monde. Les djinns, qu'est-ce qu'ils font? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit, ils montent l'un sur l'autre, l'un sur l'autre, l'un sur l'autre, comme ça, pour essayer de grimper vers le ciel, sama dunya, le premier ciel, pour que l'un de eux puisse finalement, yastariqu sama, voler une information. Il va voler une information. On le sait que très bien, dans la propagande, dans la guerre, dans la politique, l'information, elle est quoi? Critique. L'information. Information is power. C'est la force, pouvoir. Si tu sais, toi, qu'est-ce qui va se passer à la bourse demain ou la semaine prochaine ou autre chose, oh, tu peux te faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, si c'était possible, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette information? Ils vont la donner aux sorciers, par exemple, oui? Oui, pour égarer des personnes, mais aussi si on parle ici dans le contexte de la protection de l'information, ils vont donner ça à ceux qui sont, comment on les appelle, ceux qui font la divination, ok, el-kahana, ainsi de ceux qui font comme dans les films et les dessins animés, la boule de cristal comme ça et tout, qui prétendent connaître l'avenir. Donc ça, c'est les gens que tu vas payer, va te dire voilà ce qui va se passer cette année, voilà ce qui va être dans ta vie, ainsi de suite. Ces gens-là, bien sûr, c'est des mouchriquins, c'est des polythéistes, c'est des mécréants. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de eux. Pourquoi entre autres? Bien sûr, c'est parce qu'ils prétendent connaître le ghaïb, l'avenir, mais aussi parce que ces personnes-là ne peuvent faire ce travail et ce commerce que en se soumettant à al-djinn. Djinn, les shaytans vont leur imposer de les adorer, de se soumettre à eux. Ya'budunahum. Et en échange, ils leur donnent ces informations, ce privilège d'information. Qu'est-ce que cette personne-là qui fait la divination, qu'est-ce qu'elle va faire avant de te donner l'information? Est-ce qu'elle va te la donner toute crue comme ça ou il y a une boîte qui vient avec? Oui. Donc, c'est ça. Ils vont ajouter à ça 99 ou 100, je ne me rappelle pas exactement qu'est-ce qui est dans la narration authentique, soit 99 ou 100 mensonges avec une seule vérité. Et ils vont te vendre ça. C'est comme, vous savez, ceux qui font les fausses ventes, comme ça, tu achètes un petit produit, quelque chose de très petit comme ça, mais ils vont la mettre dans une très grande boîte, comme ça, bien décorée. Toi, tu vas penser que tu es en train d'acheter quelque chose de très, très grand. Mais à l'intérieur, c'est emballage, emballage, emballage, emballage, et il y a quelque chose de très petit à l'intérieur. C'est exactement la même chose. Là, les gens, une fois qu'ils vont recevoir cette information privilégiée, voilà, toi, l'an prochain, tu vas gagner telle chose. Ah, ton voisin, l'an prochain, il va tomber malade. Ah, ton cousin va avoir telle chose, tel incident. Les gens vont se rappeler de cette information qui va se concrétiser dans les faits. Et ils vont ignorer tout ce que ce kahin, il a dit, mais qui n'est jamais arrivé, qui est mensonge. Et les gens vont dire, tu vois, il l'a déjà prédit, il me l'a dit, ça fait quelques mois, il m'a dit que c'est ça ce qui va se passer. Ça veut dire qu'il connaît l'avenir. Et les gens vont tomber dans un shirk à cause de cela. Iyad billahi subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne leur a pas donné un plein accès au ciel, que c'est facile comme ça, juste de monter vers le ciel et d'espionner et d'écouter. Non, non, c'est pas ça le sens. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de an-nujum, des étoiles, quoi? Rujuman li ash-shayatin. C'est comme des pierres qui sont là pour lapider ces shayatins-là. Ils se font brûler, comme le Coran nous décrit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le décrit. Donc Allah Ta'ala, à travers des étoiles, Allah subhanahu wa ta'ala, il brûle ces shayatins. Et de ce fait, même eux, pour prendre cette information, ils sont en train de courir un grand risque. Très grand nombre de ces shayatins-là se font détruire et brûler en essayant d'espionner le ciel. Donc là, pourquoi on explique tout ça? C'est parce que la deuxième opinion ici, des ulama de tafsir, c'est qu'ils disent ici « وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى » par le najm lorsqu'il descend. Cette deuxième opinion, ça dit que ça parle ici, cette ayah, elle parle de l'étoile qui vient pour, qui descend pour lapider, brûler ces shayatins-là. C'est clair? وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, ça c'est l'opinion qui a été choisie entre autres par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Et pourquoi ici, qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn al-Qayyim? Écoutez, ça c'est très intéressant. يَكُونُ سُبْحَانَهُ قَدْ أَقْسَمَ بِهَذِهِ الْآيَةِ الظَّاهِرَةِ الْمُشَاهَدَةِ لَتِي نَصَبَهَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى آيَةً وَحِفْظًا لِلْوَحِي مِنْ اسْتِرَاقِ الشَّيَاطِينِ لَهُ. Que Allah Azza wa Jal, il a juré par cette ayah, par ce signe-là qui est l'étoile, que Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie pour protéger la révélation, al-wahi. Parce que ça dit aussi dans la narration authentique que lorsque le prophète, excusez-moi, c'est pas juste dans la narration authentique, c'est dans sourate al-jinn aussi, dans le Coran, lorsque Allah ta'ala, il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour la période de la révélation, de la présence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est 23 années, le ciel a été pleinement scellé, fermé. La protection a été quoi? Renforcée. Pour que les shayatins n'aient pas accès à l'wahi qui est maintenant quoi? Le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, il y a une munasaba, une certaine relation intéressante entre le fait que Allah ta'ala, il jure par l'étoile qui brûle, qui lapide ses espions de Al-Jinn et entre la descente de Al-Qur'an. Parce que la sourate, elle commence par ça. La sourate, elle commence par le Qur'an. C'est quoi? Que la Qur'an, c'est la parole d'Allah Ta'ala. C'est une révélation, c'est quelque chose de sacré et de protégé qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. En passant, plusieurs des sourates mécoises, elles commencent par ça. Et même les sourates médinoises. Sourate al-Baqarah, elle commence par quoi? Alif lam mim. Dhalika al-kitabu la rayba fih. Surat Baqara, elle est médinoise. Et malgré cela, elle commence par « Dhalik al-Kitab », ce livre-là, il n'y a aucun doute là-dessus, à propos de ce livre. Ça, c'est le livre de « Huda lil-Muttaqin », un livre de guidé. C'est parce qu'encore une fois, dans notre religion et dans la vie en général, la chose la plus importante, c'est quoi? C'est la référence. C'est la référence. La référence clé, on se réfère à quoi exactement? C'est ça ce que plusieurs musulmans n'ont pas l'air de bien comprendre, de bien assimiler. C'est que l'islam, ce n'est pas juste une affiliation comme ça, une couleur, j'ai comme couleur, moi je suis musulman, une identité, une culture. Non, non, l'islam, c'est avant tout, c'est quoi ma... Au final, ultime, absolu, c'est quoi ma référence? Moi, je reviens à quoi? Lorsque ça commence à devenir la confusion, les problèmes et tout, moi je reviens vers quoi exactement? Pour régler tout, je reviens à Al-Qur'an. C'est clair? Les Américains reviennent vers quoi lorsque les choses se mêlent et ainsi de suite? Reviennent vers quoi? C'est quoi la référence ultime, absolue? La Constitution. Okay, il y a ça c'est la référence sacrée que nul n'a le droit de remettre en question. Peuvent débattre de tout, ils peuvent avoir des divergences, mais ils doivent tous être d'accord, au moins de par leur langue, sur le caractère sacré de la Constitution. Et comme ça, chaque pays, il a une Constitution ou un document comme ça, sacré, une référence. C'est ça, Al-Hakim, c'est ça qui va trancher. En Islam, la référence absolue, c'est le Coran. C'est pour ça que beaucoup de souar de le Coran Karim commencent par cette réalité. Juste de nous rappeler que ça, c'est un livre dans lequel il n'y a pas de doute. C'est indiscutable. C'est non négociable. Que ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ça, c'est le livre de guider, de hidayah. Parce que si ça, ce n'est pas clair. Non, non. Si quelqu'un pense que le Coran, c'est un livre d'histoire, si quelqu'un pense que le Coran, c'est un livre pour trouver des citations intéressantes, inspirantes pour la journée, eh bien, cette personne-là, elle se trompe. C'est pas ça, le Coran. Le Coran, encore une fois, c'est la parole du Créateur des cieux et de la terre. C'est notre Seigneur qui a révélé cette parole, subhanahu wa ta'ala. Opinion numéro 3 sur le sens de l'étoile. Al-qawlu thalif, anna al-murada bin-najmi idha hawa al-qur'anu idha nazala ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Min as-sama'i ila al-ard. Troisième opinion ici, ça dit que l'étoile ici, ça fait référence au Qur'an lui-même. L'étoile, c'est le Qur'an. Pourquoi ça parle de hawa, descente? Parce que ça, c'est la descente de Al-Qur'an. Donc cette ayah-là nous parlerait de l'instant ou des instants, des moments de la descente de Al-Qur'an. Allah Ta'ala, il a utilisé le verbe dans le Qur'an al-Karim, nazala, tanzil plutôt. Nazalahu, c'est quoi tanzil, nazalahu? C'est une descente, c'est vrai? D'accord? Donc le Qur'an, c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une, quelque chose que Allah azza wa jalla, il a fait descendre, qu'il a révélé subhanahu wa ta'ala. Donc ça s'appelle le wahy, ça s'appelle aussi quoi? التنزيل منزل نزله رب العالمين سبحانه وتعالى. Donc pourquoi ici est-ce que Allah Ta'ala il nomme le Coran et la descente du Coran, pourquoi ça parle de an-najm, nun jim mim? Donc najm ça veut dire étoile, mais ça veut dire aussi autre chose. Alors écoutez ça. لانه نزل منجما اي مفرقا. Donc le mot munajjam ça fait référence aussi à quelque chose qui est fait en plusieurs phases. C'est pour ça, dans les narrations authentiques, ça nous décrit la descente de le Coran, que le Coran, il est descendu nujuman, en plusieurs phases, de façon graduelle. Il y a d'autres livres divins, d'autres livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'autres prophètes qui sont descendus en une seule fois. Jumlatan wahida, une seule fois. Allah ta'ala, il révèle à un prophète, voilà le livre, au complet. Le Coran, est-ce qu'il a été révélé comme ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Comment le Coran a été révélé? Quelqu'un pourrait nous rappeler ici? Au fur et à mesure, de façon graduelle. كَذَلِكَ لِيُثَبِّتَ بِهِ فُعَدَكَ وَرَتَّلَّهُ تَرْتِيلًا. Alors Allah Azza wa Jalla nous explique que le Coran est descendu de façon graduelle. Et de ce fait ici, وَالنَّجْمَ, ça ne fait pas référence à l'étoile, wa alaykum salam wa rahmatullah, ça ne fait pas référence à l'étoile, ça fait référence ici à Nujum Munajjam, ça veut dire de façon graduelle, à la descente graduelle de Al-Qur'an Al-Karim. Opinion numéro 4, anna al-murada jami'un nujum fi as-sama'. Quatrième opinion ici, c'est quoi? C'est que wan-najm, par l'étoile, ça fait référence à toutes les étoiles. Donc ici, l'étoile devient comme une catégorie. La catégorie des étoiles. Que Allah Azza wa Jal, ici, il jure par toutes les étoiles. Donc rappelons, ici, qu'est-ce qu'on a comme opinion jusqu'à maintenant? Première opinion, c'était que Allah Ta'ala, il jure par une étoile particulière que les Arabes, ils appelaient Al-Thuraya. Deuxième opinion, c'est que Allah Ta'ala, il jure par les étoiles qui descendaient pour lapider les shayatines, pour protéger le ciel. Troisième opinion, l'étoile fait référence à Al-Qur'an. Quatrième opinion, Wan-Najmi ici, ça parle de toutes les étoiles que Allah Ta'ala, il a créées dans le ciel. Est-ce que ça, c'est quelque chose de grand, les étoiles que Allah Azza wa Jalla, il a créées? Azim, on n'a pas, comme on en a parlé l'autre fois, je pense, dans le cours sur Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, ça dépasse notre capacité à imaginer. Juste une seule étoile, nous, cette planète entière, la Terre, elle n'est que poussière devant une seule étoile, certaines étoiles que Allah Azza wa Jalla, il a créées. Elle n'est que poussière. Ça, c'est pas seulement selon Abdid, même selon les personnes qui croient en la science, que leur référence, c'est la science et les chiffres et ainsi de suite. Ils vont confirmer ça par les chiffres. Que toute cette planète, dans laquelle nous, on est pris comme prisonniers, comme ça, on est très petit à l'intérieur de cette planète. On a chacun notre monde qu'on considère très grand, mais qui est très, très étroit, c'est pas? Chacun a un grand, il a un monde comme ça, il a des amis ailleurs dans la ville, ailleurs dans ce pays, il a peut-être l'autre, il détient une maison ici, une maison là-bas, l'autre, il voyage, on pense le monde, il est grand. Alors que mon monde à moi, auquel j'ai accès, ce n'est que très petite partie de cette planète Terre. Et cette planète Terre, elle n'est que poussière devant certaines des étoiles que Allah Azza wa Jalla il a créées. Et combien maintenant y a-t-il d'étoiles dans cet univers? Seul Allah Azza wa Jalla il le sait, encore une fois, juste le nombre, combien répondre à ça, c'est quelque chose qui dépasse notre capacité à imaginer. C'est clair? Il y a des choses qu'on peut imaginer. Si je vous dis, il y a une salle dans laquelle il y a 150 personnes. Vous pouvez imaginer ça. Vous avez déjà vu quelque chose de comparable. Je dis, dans cette ville, il y a 2 millions de personnes. Vous pouvez imaginer. Vous avez déjà vu des villes avec 2 millions de personnes. Mais il y a des chiffres qui dépassent notre capacité humaine à imaginer. Donc Allah Azza wa Jalla, il jure par « wa najm ». Par l'étoile ici, jinsun nujum, ça veut dire par toutes les étoiles, par n'importe quelle étoile. L'idée de l'étoile en tant que telle, idha hawa, lorsque il descend, encore une fois, et idha rabat, lorsque l'étoile, le déclin de l'étoile ici, ça veut dire ici le coucher de l'étoile. Il y a l'apparition de l'étoile et après ça, il y a le coucher de l'étoile. Yadharu, thumma, Yarib. Et certains savants ici, ils disent pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla, il a parlé ici du déclin et pas de l'apparition. Donc, il y a l'apparition de l'étoile et il y a quoi? Le déclin de l'étoile. On peut voir et après ça, on ne la voit plus. En passant, les gens dans le temps de Al-Jahiliya, ils accordaient quelle valeur à l'étoile, aux étoiles? Plusieurs les adoraient. Donc, il y a eu à travers l'histoire plusieurs nations qui prenaient les étoiles pour des divinités, pour des êtres sacrés, les adoraient. Soit en leur faisant dua, même en passant même jusqu'à récemment et peut-être même jusqu'à maintenant, dans certains pays arabes et dans certaines sociétés musulmanes, ainsi de suite, il y a des gens, subhanallah, il y a des gens. Moi, j'ai connu des personnes qui étaient, entre guillemets, musulmanes et qui partaient et faisaient salat, le jumu'ah et tout. Et lorsque ils voyaient que quelqu'un, un enfant ou autre chose, perdait une dent, la dent tombait, ils disaient, ce que tu dois faire maintenant, c'est comme un rituel. Tu dois prendre la dent, tu dois t'adresser à l'étoile en disant, « Oh étoile, prends cette dent de je ne sais pas quoi et donne-moi une dent plus belle. » Après ça, tu la jettes comme ça vers le ciel. J'ai connu des personnes comme ça. Ça, c'est des gens qui vont prier salat al-jumu'ah et tout, et qui font shirk comme ça, de façon si incroyable et si exposée que ça. Subhanallah. Donc, il y a eu beaucoup d'êtres humains qui adoraient les étoiles. Soit en prétendant que ces étoiles-là peuvent t'aider, je peux les adorer, je peux les invoquer, ou en pensant qu'il y a des événements qui sont causés par les étoiles. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique dans Sahih Muslim, il nous a dit, il a dit à ses compagnons, la taqulu mutirna bi naw'i kadha wa kadha. Ne dites pas que on a reçu la pluie par le naw de tel et de tel. Naw, c'est le anwa, c'est les étoiles. Pour ça, encore une fois, en Afrique du Nord, dans certaines régions en Afrique du Nord, certaines personnes dans certaines villes et tout, ils appellent la pluie an-naw. On dire an-naw, comment ça tombe? Ça vient de an-naw. Encore une fois, ça c'est une idée de shirk ici parce que plusieurs Arabes croyaient que la pluie, elle descendait parce qu'il y a eu certaines étoiles comme ça qui se sont en accordance, certaines synchronisations des étoiles, que ces étoiles-là ont commencé à faire tomber la pluie. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a défendu, il a dit à ses compagnons, ne dites pas « Mutirna bi naw'i kada wa kada » qu'on a reçu la pluie par le naw, l'étoile de tel et de tel. ولكن مطرنا بفضل الله ورحمته. On a reçu la pluie par la grâce d'Allah Azza wa Jalla et par sa miséricorde. C'est ça le tawhid. Donc certains savants ici, ils disent la raison pour laquelle Allah Ta'ala nous parle de l'étoile lors de son déclin, c'est pour rappeler à ces polythéistes-là que même l'étoile, elle, disparaît. Elle descend. Et de ce fait, elle ne peut pas être adorée. Allah Azza wa Jal, d'un côté, il nous montre que ça, c'est quelque chose de grand. C'est un grand signe d'Allah Azza wa Jal, ce grand miracle qui est l'étoile qu'on doit reconnaître pour, en reconnaissant la grandeur d'Allah Azza wa Jal, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit nous inspirer, nous rappeler c'est quoi la puissance d'Allah Azza wa Jal. Si ça, ce n'est qu'une créature d'Allah Ta'ala, alors quelle est la puissance, la grandeur du créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, attention, ça ne veut pas dire parce que cette étoile, Allah Ta'ala, il a juré par cette étoile, que quelqu'un va dire, ah Allah, il a juré par l'étoile, on doit l'adorer. Non. Idha hawa. L'étoile, elle tombe, elle disparaît, elle descend. De ce fait, elle ne mérite pas notre adoration. Seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite notre adoration et notre ibada. Et ça, c'est l'opinion qui a été choisie en passant par l'imam Al-Alusi, Al-Sam'ani et d'autres grands savants de At-Tafsir. Ils ont dit que l'opinion qui se tient le plus, c'est que ici, par le najm, c'est par l'étoile, ça veut dire n'importe quelle étoile. Que toutes les étoiles, elles sont incluses dans le sens de cette ayah, que c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال لأن في ذلك من آيات الله العظيمة ما أوجب أن أقسم به وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Si on revient ici à la, c'était quoi la deuxième, la troisième opinion qui pourrait nous rappeler, c'était quoi la troisième opinion? Que Al-Najm ici c'est Al-Qur'an, ça parle de la révélation, de la descente de Al-Qur'an. Donc il nous dit ici, l'un des savants, مُنَاسَبَةُ الْقَسَمِ بِالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. Pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala, il jure, ou je m'excuse, on va revenir à la quatrième opinion, ok? La quatrième opinion qui nous parle de toutes les étoiles, même selon cette opinion. Pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala, il parle de la descente des étoiles en parlant en même temps dans un contexte de le Coran? On a dit ici le contexte, c'est de prouver que ça c'est le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, ça vient d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alors il dit "Anna al-kalam masuq li ithbat anna al-Qur'an wahy min Allah munazzal min as-sama'." Donc là c'est une analogie. Même selon la quatrième opinion ici qui dit que ça parle des étoiles, des vraies étoiles, c'est pour donner l'analogie avec le Coran. Pourquoi? Il dit حال النجم في حالته هويه مشابهة تمثيلية حاصلة من نزول شيء منير إنارة معنوية. De un, l'étoile c'est quelque chose qui vient avec un éclat, avec la lumière. De un, ça c'est comparable dans l'analogie avec la lumière, le nour de Al-Qur'an Al-Karim. C'est clair? L'étoile c'est illuminé, c'est quelque chose d'illuminé. Al-Qur'an al-Karim, c'est une lumière, c'est un nour qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose ici, نازلين من محل رفعة معنوية. Que l'étoile, c'est où? Même lorsqu'elle descend l'étoile, elle est dans le ciel. Et ça descend du ciel. C'est haut quand on parle de l'étoile. Ici, la même chose, on a Al-Qur'an al-Karim qui est nour, lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est une descente, une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, nuzul min Allah azza wa jal, et ça descend de où? Ça descend du ciel, des cieux, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, encore une fois, pour donner le caractère illuminé de Al-Qur'an al-Karim, et en même temps, le caractère de nuzul, la descente de Al-Qur'an al-Karim. Et finalement, un dernier point sur cette ayah, inshallah ta'ala, avant de conclure. لِأَنَّ النَّجْمَ شَأْنُهُ أَنْ يَهْتَدِيَ بِهِ السَّارِ إِلَى مَسَالِكِ الدُّنْيَا. Aussi, un autre avantage de النُّجُوم, des étoiles, c'est quoi? Allah Ta'ala, il a créé ces نُجُوم. En passant les étoiles, ça vous devez écrire ça, ok? Quelles sont les raisons d'être des étoiles? Comme elles sont décrites dans le Coran et dans le Sunna. Les ulama, ils nous parlent de trois. Première chose, comme on l'a déjà dit, c'est quoi? Une protection pour le ciel, pour l'wahi, pour le ciel, ainsi de suite. Ça, c'est la première. Numéro deux, c'est zina. C'est un embellissement, un décor pour le ciel. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Donc ça c'est la deuxième. C'est une beauté pour le ciel. Ça décore le ciel. Et la troisième raison d'être des étoiles, c'est هِدَايَةً لِلسَّالِكِينَ, pour guider les gens dans leur voyage. Dans le temps, les gens n'avaient pas de GPS. Comment ils savaient le nord, le sud et tout, surtout la nuit? C'était à travers les étoiles. Allah Ta'ala, il a confirmé cela dans le Coran, que ça c'est légitime. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, que un najm, c'est une cause de guider. Ça veut dire, c'est la guider physique ici. Pas la guider du cœur, mais la guider physique, de savoir je me dirige vers où. Alors, vu que un najm est une source de guider pour les êtres humains, pour connaître la direction, le GPS, Allah Ta'ala, il a révélé aussi le Coran pour qu'il soit un livre de guider pour les cœurs. C'est clair? Wadah? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de mentionner? Oui, Ari. La première raison, c'est une protection pour le ciel. Ok, ça protège, comme on l'a dit tout à l'heure, que les djinns, ils essayent d'espionner qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Allah Ta'ala, il leur envoie ces étoiles qui les lapident, qui les brûlent. Oui. Oui, selon plusieurs savants, c'est ça, c'est les étoiles filantes. Que ça, c'est les rujoum que Allah Ta'ala envoie pour brûler les shayatin. Wallahu a'lam. Autre question? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est prouvé que c'est une cause? C'est ça. Il n'y a pas de possibilité à prouver scientifiquement que à cause d'un certain mouvement des étoiles qu'il va avoir la pluie qui va descendre. Ok? Donc il faut faire attention ici à la pseudo-science. Très souvent les gens ils prétendent que ça c'est la science qui a prouvé parce que quelqu'un a une certaine théorie ou autre chose. C'est clair? Ça c'est de un et ces gens-là qui attribuent la pluie aux étoiles ne parlent même pas de la question de la causalité ici dans le sens de l'asbab. Non, non, vraiment, ils font des étoiles une source ultime de la pluie. C'est les étoiles qui nous ont envoyé la pluie. C'est clair? طيب الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.